Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Bonjour, bonsoir. Merci de nous retrouver dans Mosaïque, votre émission préférée. Mosaïque d'aujourd'hui, la radio-télévision Isanganiro revient sur la crise des réfugiés congolais et sur celle des réfugiés burundais vivant en RDC, entre survie en exil et espoir de retour. La région des Grands Lacs fait face à une crise humanitaire transfrontalière. Depuis le regain des violences à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, notamment dû à la montée du groupe armé M23, plus de 120 000 Congolais ont fui vers le Burundi. Parmi eux, 20 000 réfugiés congolais vivent en milieu urbain, principalement à Bujumbura, sans aide humanitaire. 17 000 autres sont installés dans le site de transit de Musenyi, en province de Rutana. Dans des conditions précaires, disent-ils, il y a manque de nourriture, absence d'école, soins médicaux insuffisants, pas d'activité génératrice de revenus. En parallèle, des réfugiés burundais vivent toujours en RDC, notamment ceux qui ont fui la crise politique de 2015. Ces derniers font également face à l'insécurité persistante dans les provinces congolaises, une aide humanitaire insuffisante, le désir de retourner chez eux, mais souvent freiné par la peur, le manque de moyens ou l'absence de garantie de réintégration. L'OACR serait dépassé faute de financement suffisant. Cette double crise soulèverait des problèmes humanitaires, sociaux, économiques et de cohabitation dans les deux pays. Dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous avons comme invité le directeur général chargé du rapatriement au ministère de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci pour l'invitation et je salue mon frère qui nous partage le plateau. Je salue également les spectateurs et les auditeurs qui nous suivent à travers vos plateformes. Nous sommes également avec Dr Major Pamphile Pavansi, expert en droit des réfugiés. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation. Nous avions voulu aussi être avec le coordinateur de l'Office national pour les réfugiés et les apatrides, mais sans succès. À la cabine du son, je suis avec François Akiman et Alexandre Ngarouenayo, Alain Désiré Bokeneza à la réalisation et à l'animation. Vous retrouvez Evariste Ntikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Sans trop tarder, ouvrons ce débat par ce vox pop des réfugiés congolais vivant au Burundi et surtout ceux qui ont quitté le camp de Musenyi en province de Rutana, arguant qu'ils y font face à de mauvaises conditions de vie. Mie kama na nikuta hapa Chibitoki, nilitoka mukambi, na niko na famille kubwa. Je suis ici à Chibitoki après avoir quitté le camp de Rutana où j'ai une famille. Je suis venu louer une maison ici car rien ne va. La vie n'est pas bonne dans le camp de Rutana. On ne trouve pas quoi mettre sous la dent. On dort dans de mauvaises conditions, dans un hangar. Si nos enfants tombent malades, l'on doit aller plus loin pour trouver des soins. Voilà ce qui m'a poussé à quitter le camp de Rutana, car le HCR ne nous aide rien. Aseri na tuachilia lesea ledoki na tuachilia haitupati kitu ndoma niliamua mimi kutoka mie tulienda kule Rutana. Moi, je suis allée à Rutana avec toute ma famille. Mais arrivé sur le lieu, on a trouvé que la vie était trop dure. Il n'y a pas de nourriture, il est difficile de dormir. C'est casse-tête de se faire soigner quand on doit faire de longs trajets. Et c'est pourquoi nous avons quitté le camp de Rutana pour revenir nous réinstaller ici à Rugombo. tutarudia kwetu. Tulifika kutoka kunyumba Kongo, tulifikia hapa Rugombo, bakatubeba mkambi ya Rutana. Quand on a fui, on a trouvé refuge ici à Rugombo avant d'être embarqué vers Rutana. Mais arrivé là-bas, on a trouvé que les conditions de vie étaient difficiles. Le HCR devrait accomplir correctement sa tâche humanitaire. Dans le cas contraire, c'est pourquoi les réfugiés quittent le camp de Musenyi. Merci, chers auditeurs. Après avoir suivi certains réfugiés congolais qui avaient trouvé refuge dans le site de transit de Rutana, mais actuellement vivant au chef-lieu de Cibitoke, nous allons nous rendre en RDC pour comprendre la situation que traversent les réfugiés burundais qui vivent au Congo dans ce reportage de Jérémy Kouhima. Certaines femmes contactées affirment faire la prostitution pour nourrir les enfants et d'autres sont exposées au viol en allant travailler pour les autochtones. Ils demandent le retour des organisations humanitaires parties depuis plusieurs mois, mais ils regrettent également la délocalisation du HCR Baraka pour Uvira. Nous avons promené notre microphone dans les camps de Lusenda et Mulongo Makembe. Voici les doléances. Je m'appelle Nizigimana Claude, j'habite au camp de Mulongo. Je m'occupe de la pêche quelquefois, mais on aura vu même les produits de pêche. Nous vivons difficilement. Je suis obligé même de faire la débauche pour trouver de quoi manger ou nourrir les membres de ma famille. Nous sommes fatigués. Même lorsqu'on tente d'aller travailler chez les autochtones, ils nous ravissent ce que nous avons gagné. Moi, je suis enceinte. Vous voyez que même ma chevelure est en train de se transformer. Je risque le coachochlore. Je suis obligé d'envoyer mes enfants travailler pour trouver de quoi manger, mais c'est difficile. Moi, je suis une veuve. Je suis même devenue infirme ici par la maladie. Et puis, lorsqu'on peut travailler chez les autres, ils nous ravissent même ce que nous avons gagné. Si le HCR doit se délocaliser de Baraka vers Uvira, ce sera trop périlleux pour nous puisque il y a beaucoup de dossiers qui doivent être réglés lorsqu'ils sont à côté de nous. Mais s'ils doivent se délocaliser loin comme ça, c'est un manque à gagner. Il y a beaucoup d'histoires qui ne seront pas réglées à distance. Et même les ONG attachées au HCR ne vont plus nous côtoyer souvent comme c'était le cas. Le chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés à Uvira, M. Prosper Abiyokamba, reconnaît cette situation. Il appelle aux organisations philanthropiques de songer à ces réfugiés. Effectivement, ils ne reçoivent rien. Ils se débrouillent d'eux-mêmes. Les enfants sont toujours dans la rue. Et les mamans, les papas se débrouillent par-ci, par-là. Je pense que PAM connaît les dossiers. L'EHR connaît les dossiers. Mais alors, PAM fait des démarches pour voir comment les assister. Jusqu'à ce jour, les démarches sont au niveau de Kinshasa, au niveau de Bukavu et au niveau de Goma avec PAM pour voir dans quelle mesure on peut venir quand même en aide à ceux réfugiés qui sont sur place ici. Ces réfugiés burundais affirment que depuis janvier, les personnels du HCR ne sont pas arrivés au camp. Certains ayant fui au Burundi et d'autres encore à Kinshasa, mais Bruno Le Marquis, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et en charge des questions humanitaires, lors de son passage à Uvira samedi 28 juin, annonce le retour imminent des humanitaires. Ont eu lieu, donc je suis venu ici avec un certain nombre de collègues, c'est une mission multidisciplinaire. Je suis ici avec des gens qui s'occupent du système de sécurité des Nations Unies en RDC pour parler des problèmes de sécurité. Des collègues humanitaires, notamment OCHA, pour parler des questions d'accès humanitaire, et des gens d'agence. Donc il y a le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Donc on est tous venus ensemble aujourd'hui pour discuter d'un certain nombre de points. Les trois sujets de notre discussion aujourd'hui à travers certaines réunions, c'est donc la question sécuritaire et les conditions sécuritaires dans la ville d'Ouvira et également de Baraka, qui pourraient permettre le retour du système des Nations Unies physiquement dans ces deux villes. Comme vous le savez, depuis quelques mois, il y a eu des relocalisations de personnel, des évacuations, etc. Donc nous souhaitons revenir pour être aux côtés des autorités provinciales légitimes, mais donc il y a des conditions minimales de sécurité qui sont nécessaires. En République démocratique du Congo, il y a plus de 45 000 réfugiés burundais qui restent. Leur situation préoccupe également les gouverneurs de province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purou Sisadiki. Il promet de tout faire pour supprimer les barrières érigées par des groupes armés Wazalendo et les militaires loyalistes sur les routes de la plaine de Ruzizi et du toit de Fizi, en vue de faciliter le retour de la circulation libre des humanitaires. Maintenant, le message que je voulais passer ici, nous venons de lancer des missions de terrain pour que les tracasseries cessent, pour que les Wazalendo, les M23 et les autres cessent de tracasser les gens, pour que la population vive en toute quiétude, pour qu'on puisse arrêter les barrières. Aujourd'hui, il y a une mission qui est partie. Mon vice-gouverneur a conduit une forte délégation du Conseil de sécurité à Fizi. Ils vont y rester à peu près une semaine. Nous-mêmes, on va se rendre encore une fois à Mwenga, Kamituga, mais aussi dans les environs. Place donc appréciations de nos invités. Nestor Bimenimana, vous êtes DG du rapatriement au ministère de l'Intérieur. Quel est l'état des lieux aujourd'hui des réfugiés burundais qui sont dans les pays voisins ou dans d'autres pays loin des frontières du Burundi? Les réfugiés, comme vous savez, ils sont généralement gérés par les pays d'asile. Les statistiques sont partagées, c'est vrai, mais il y a quelques déplacements qui ne sont pas directement maîtrisés par le pays d'origine. Notons par exemple, des réfugiés peuvent renoncer le matin le statut d'asile. Il s'intègre directement dans les diasporas. Celui-là n'est pas directement communiqué au pays d'origine. Donc pour vous dire que les statistiques sûres et fiables ne sont pas du tout connues par le pays d'origine. Mais nous avons quand même les statistiques qui sont proches. Les statistiques, je dirais, qui ne sont pas directement liées à la réalité des camps, mais qui sont estimées. Je peux vous partager quelques statistiques à titre indicatif. Par exemple, ici en RDC, on a effectué une visite de sensibilisation fin 2023. Même après, nous avons reçu une délégation congolaise qui était venue dans la mission appelée GoNSI. GoNSI, ce sont des missions qui sont organisées régulièrement par les pays d'asile, qui organise parmi les réfugiés une équipe qui est désignée d'aller dans le pays d'origine pour voir la situation politico-sécuritaire, la situation accommodée de la vie des citoyens, pour qu'au retour, ils puissent partager l'expérience, les témoignages, et puis les réfugiés, à ce moment-là, peuvent prendre la décision éclairée de retourner au pays. Donc la mission avec la RDC a eu lieu au mois de juillet 2024. Par là, on a partagé les statistiques estimées. Donc, Lucinda avait autour de 39 000 réfugiés burundais. Et à Murungwe, c'était autour de 19 000. Depuis là, on a toujours organisé les convois, mais je vous dirais qu'on n'a pas pu atteindre les planifications parce qu'on a rencontré plusieurs défis que vous avez vous aussi entendus. Donc, on a eu la situation sécuritaire qui a été vraiment drastique. Et de façon qu'on n'a pas pu trouver les passages pour organiser les convois. Là, c'était au niveau de la RDC. Au niveau des autres pays, en Tanzanie, c'est là où nous avons vraiment les effectifs très élevés des réfugiés, où nous avons plus de 150 000 réfugiés burundais qui habitent les camps d'Onduta et Nyarugusu, dont la grande partie habite le camp d'Onduta, Nduta qui est proche des régions de Ruyigi. Et au Rwanda, nous avons plus de 47 000 réfugiés. Et là, au Rwanda, il fut un temps que nous n'organisons pas les convois en provenance du Rwanda suite aux problèmes techniques. En Ouganda, nous avons plus de 37 000. Là, je vous donne les statistiques qui sont partagées par les pays d'asile. Bien évidemment, nous avons des réfugiés dans d'autres pays, à Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, qui sont dans les camps, mais aussi qui vivent dans les milieux urbains. Mais de toutes les façons, ce que je peux vous dire ici, et qui rassure que même si nous avons les réfugiés, il y a l'espoir, c'est que le rapatriement continue. Le rapatriement continue. Depuis 2017, on a engagé une phase de rapatriement. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà accueilli plus de 260 000 rapatriés burundais qui sont tous dissimulés dans les communautés. Et ils sont bien portés parce qu'on est toujours au contrôle. Nous essayons de collaborer, de communiquer avec les réfugiés, les rapatriés qui sont dans les communautés pour savoir leur niveau de vie. Et nous sommes vraiment fiers que tous les rapatriés qui sont au pays sont portés bien, et ils sont à l'œuvre, ils contribuent au développement du pays, ils contribuent au développement de leur famille. Quand vous parlez de tous les rapatriements qui maintenant cohabitent pacifiquement avec les communautés, est-ce que ceux du Sud, dans les provinces du Sud, là où il y avait beaucoup de conflits fonciers, maintenant l'affaire est déjà réglée? Bon, la cohabitation pacifique ne dit pas qu'il n'y a pas de conflits. Les conflits peuvent se présenter, mais ce qui est sûr est qu'il y a les organes à tous les niveaux, les organes de gestion des conflits. Et les organes sont à l'œuvre. Nous avons les notables colonels qui travaillent régulièrement pour prévenir les conflits qui peuvent persister. Et il y a les instances judiciaires qui sont là. Il y a l'administration à la base qui est là. Donc, toutes les institutions sont là pour prévenir les conflits qui peuvent perdurer quand même. Sinon, les conflits potentiels peuvent naître, mais les solutions sont toujours là. Au sud, vous parlez des conflits fonciers. Le Burundi, c'est un pays avec la superficie connue, mais la démographie est toujours galopante. Donc, pour vous dire que les conflits fonciers, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que ces conflits seront vraiment éliminés sur le territoire. Les conflits peuvent rester, mais l'essentiel est la vigilance des institutions, la vigilance de tous les organes qui travaillent dessus pour vraiment éviter les conflits. Au sud, on a essayé de traiter tous les conflits. On a assisté les rapatriés en leur donnant les assistants juridiques. Et les procès ont monté. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a peu de procès qui sont pendants dans le secteur foncier. Vous parliez des statistiques des Burundais qui sont déjà rentrés au pays. Quels sont les rapatriés de dernière date? Les rapatriés de dernière date sont les rapatriés en provenance de la RDC. Bon, avec la RDC, aujourd'hui, la situation s'améliore petit à petit. On a commencé encore une fois d'organiser les convois. La semaine dernière, on a accueilli un convoi de 31 personnes. Pour nous, dans le secteur humanitaire, même si c'est une personne qui rentre, c'est vraiment une fête pour nous. On a alors accueilli un convoi de 31 personnes, mais nous avons une planification très élargie avec la RDC. Surtout pour cette deuxième moitié de l'année, on a prévu d'accueillir plus de 6 000 rapatriés en provenance de la RDC. Et nous gardons toujours l'espoir. Nous gardons toujours l'espoir au regard de la planification qu'on a accouchée dernièrement. Et puis au regard de l'amélioration de la situation sécuritaire, on a espoir qu'on va atteindre cet effectif. Et puis, je vous dit que, comme information, chaque semaine, nous avons des convois en provenance de la Tanzanie tous les mardis et en provenance de du Kenya, les convois aériens qui viennent en provenance du Kenya, c'est tous les jeudis. Bon, nous avons les convois chaque mois en provenance de l'Ouganda et avec cette nouvelle planification avec la RDC, nous avons alors les convois tous les mercredis avec la RDC et nous espérons que ça va aller avec cette amélioration sécuritaire. On les a entendus, ceux qui sont à Lusinda au début de cette émission, ils disent qu'ils font face à une crise humanitaire sans nom. Quelle est l'analyse que vous faites à une telle situation? Étant réfugié dans un pays tiers, c'est normal de rencontrer ces histoires de manque de nourriture, de manque de, donc l'absence de tout ça, les besoins de première nécessité sont vraiment rares quand tu n'es pas chez soi. Les réfugiés sont traités au standard de la communauté d'accueil. Si la communauté d'accueil porte le niveau de vie élevé, même les réfugiés peuvent jouir de ces standards. Mais si les communautés d'accueil vivent dans une vulnérabilité observée, les réfugiés ne peuvent pas attendre à une vie améliorée. ils doivent jouir une vie qui est au même rythme, au même niveau que la communauté d'accueil. Alors, moi, j'ai visité Lucenda il y a une année et demie. J'ai vu le niveau de vie des communautés d'accueil. Donc, les réfugiés qui vivent dans ce secteur ne peuvent pas prétendre des miracles comme quoi la vie sera améliorée. La solution durable, c'est qu'ils prennent la décision de rentrer au Burundi, rentrer dans leur pays. C'est là où les conditions peuvent être améliorées facilement par rapport aux conditions de vie dans les camps des réfugiés. Merci beaucoup. Nous sommes avec Dr Major Mabas Pamphile, expert en droit des réfugiés. Vous avez vous aussi entendu les doléances des Congolais qui sont au Burundi, qui sont réfugiés au Burundi, et les Burundais qui sont réfugiés de l'autre côté de la Russie, en RDC. Quelle est l'analyse faites-vous face à cette situation? Merci. Et d'abord, la situation qu'on remarque actuellement ne date pas d'hier. Et depuis longtemps, les années 66 comme ça, 65, il y a toujours eu échange de réfugiés. Il y a des Burundais qui fuient fréquemment vers la RDC et de retour, il y a des Congolais qui cherchent protection au Burundi. Donc c'est la situation qui a été toujours là et qui se remarque malheureusement même à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs même étonnant. Et au Congo, il y a la guerre M23 et d'autres groupes rebelles. Mais dans l'entretemps, les Congolais fuient massivement. Et il y a des Burundais qui sont là, qui gèrent la protection au Congo. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Malgré la guerre qui pèse au Congo, certains Burundais sont là et refusent de retourner, de rentrer au Burundi. Alors que les Congolais voient qu'au Burundi, il y a la sécurité, ils viennent chercher la protection au Burundi. C'est la situation qui est là. Et ici en Afrique, il y a échange des réfugiés, souvent. Ceux qui sont en RDC, ceux qui sont au Burundi, Burundais, Congolais, ils lancent un cri d'alarme où ils font face à une mauvaise situation humanitaire. Là aussi, c'est plus ou moins compréhensible. Monsieur Lodé, je venais de le dire. Le réfugié vit la vie que vit la population du pays d'accueil. Si les réfugiés arrivent dans un pays où la vie n'est pas plus ou moins améliorée pour la population locale, ça se comprend que le réfugié va endurer des difficultés de survie. Et c'est normal. Mais pour les réfugiés, normalement, dès les arrivées, le HCR ainsi que les autres organisations humanitaires internationales aident dans leur accueil. Et surtout pendant les premiers jours où ils ont besoin de tout, la ration, le logement, l'alimentation, les soins de santé. Malheureusement, comme il y a les guerres partout dans d'autres pays, mais dans d'autres pays, le HCR qui collecte les moyens ou les fonds au niveau international ne parvient pas à satisfaire les besoins de tous ces réfugiés éparpillés au niveau mondial. Et c'est pour cela qu'il est plus ou moins bon d'aider les réfugiés à être autonomes plutôt que d'attendre toujours de l'aide qui ne vient pas. Si c'est possible, il faudrait chercher de l'emploi ou bien laisser les réfugiés faire des activités générales de revenus pour satisfaire certains des besoins qu'ils ont plutôt que d'attendre toujours des aides qui ne viennent pas suite au contexte économique mondial. Oui, est-ce qu'aujourd'hui les Burundais peuvent savoir quand est-ce que quelqu'un est déclaré réfugié? D'abord, la première condition pour être déclaré réfugié, il faut franchir les frontières de ton pays d'origine. Tant que tu es encore dans ton pays d'origine, tu as fui, tu n'es plus dans ta colline natale peut-être, mais tu es encore dans ton pays d'origine, tu n'es pas réfugié. Tu vis dans les mêmes conditions que le réfugié, tu n'as rien. Tu as besoin de l'aide humanitaire, mais tu n'es pas réfugié parce que tu n'as pas franchi les frontières de ton pays d'origine. Donc la première condition, c'est être en dehors de ton pays d'origine. Et la seconde condition, il faut qu'il y ait la crainte. Sinon, on ne fuit pas pour fuir. Il faut qu'il y ait la crainte de persécution dans son pays d'origine. Et cette crainte est analysée en fonction de la Convention de Genève, mais aussi en fonction de la Convention de l'OIA, régissant des aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Pour la Convention de Genève, on fuit la persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance au groupe social ou de ses opinions politiques. Quant à la Convention de l'OIA, on fuit l'agression, l'occupation extérieure, la domination étrangère ou les événements qui fuient et les événements qui perturbent l'ordre ou la sécurité dans son pays d'origine. Donc, surtout en Afrique, comme il y a des guerres fréquentes, on est protégé non pas en fonction de la Convention de Genève qui énumère les conditions, les cinq conditions, mais on est protégé en fonction de la Convention de l'OIOA qui dit qu'on peut fuir la guerre ou le désordre ou l'insécurité dans son pays d'origine. Oui, et quand on a accueilli les Congolais qui ont fui la guerre à l'est de la RDC, il y a ceux qui, on voit, se baladent dans la rue, ici, dans Bujumbura, la capitale économique, à Bubanza, à Cibitoke aussi. Pouvez-vous nous faire la nuance entre ce réfugié urbain et ce réfugié qui doit vivre dans un camp de réfugiés? Oui, j'entends souvent ceux qui se plaignent comme quoi les réfugiés devraient rester dans le camp. Ils n'ont pas se balader dans les villes. Mais notre loi est claire là-dessus. L'article 70 de la loi Bondé sur l'immigration, c'est la loi de 2021, prévoit que le réfugié peut choisir sa résidence n'importe où. Et aussi que le réfugié a la liberté de circuler. D'ailleurs, cette disposition existait même dans la loi de 2008, la loi sur l'asile et la protection des réfugiés. Mais la loi de 2021, qui est récente, a intégré même cette disposition. Donc les réfugiés sont en droit, soit de vivre en milieu urbain, ou bien même de vivre dans les camps. Si le réfugié voit qu'il peut se satisfaire à ses besoins lui-même, il va demander à rester en ville. Il a la carte d'identité pour le réfugié, mais il va rester en ville et mener sa vie seul, sans l'aide de l'UNHCR. Et là aussi, ça réduit, ça favorise la protection des autres réfugiés qui sont dans le camp. Lui, il n'est pas assisté, il mène sa vie seul. Et pour ceux qui sont dans le camp, ce sont ces personnes-là qui voient qu'ils n'ont rien, elles n'ont rien. Et non, peuvent vivre qu'à partir des aides données par les organismes humanitaires. Ceux-là, alors, sont conduits dans les camps. On leur donne et le logement, on leur donne l'alimentation, on leur donne les soins de santé, on leur donne la scolarité pour les enfants, on leur donne tout, on leur garantit tout dans les camps des réfugiés. Par contre, celui qui reste en ville doit mener sa vie seul. Il ne bénéficie rien de la part de RCL, à part la protection en tant que réfugié. Mais pour les autres besoins économiques, sociaux et sociaux, il doit mener sa vie seule parce que c'est son choix, il a fait son choix. Oui. Est-ce que les réfugiés qui sont casés dans le camp de réfugiés, ils ont droit au travail? Oui. D'ailleurs, même la loi burundaise prévoit cela à l'article 66. Les réfugiés peuvent bénéficier d'un droit au travail, de la même condition, ou même d'une manière plus favorable même que les autres étrangers. Ils peuvent bénéficier du droit au travail, malheureusement. Est-ce que les autres Burundais ont le droit au travail pour les autres Burundais garanti? C'est là où pose le problème. Si il y a des Burundais qui n'ont pas d'emploi, on ne comprendrait pas comment les réfugiés pourraient bénéficier d'un emploi alors que même les Burundais ou certains Burundais n'ont pas d'emploi. C'est là où se pose le problème. Mais au niveau juridique, les réfugiés ont droit au travail. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Avant d'entamer les questions liées aux attitudes, je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que vous suivez l'émission Mosaïque qui s'articule aujourd'hui sur la crise des réfugiés congolais au Burundi et des réfugiés burundais en RDC entre survie en exil et espoir de retour. Déjà rapatriement, qu'est-ce qui pousse souvent certains réfugiés en général de ne pas retourner dans leur pays d'origine, même si le problème qui les a contraints en exil n'est plus? Ici, je dirais, on a vu que l'affluence du rapatriement a diminué, le rythme a diminué. Oui, on a observé une réticence au rapatriement il y a quelques années. Mais c'est un phénomène qui est un peu bizarre et qui est difficile même à comprendre. Mon collègue docteur disait tantôt que au Congo, nous avons des réfugiés burundais qui demeurent toujours au Congo, malgré la situation. En même temps, les Congolais quittent le Congo en masse pour chercher la protection au Burundi. Donc c'est quelque chose de vraiment paradoxal. Ce phénomène est difficile à comprendre. Alors, nous avons effectué des descentes et des missions de sensibilisation dans les pays d'asile pour voir si nous pouvons vraiment inciter les réfugiés à prendre la décision de retourner. Mmh. Ici, je peux vous relater quelques points que nous avons vus qui poussent les réfugiés à manifester cette réticence au retour au pays. Mmh. D'abord, nous avons vu que la majorité des réfugiés pensent toujours à la réinstallation. La réinstallation, c'est quoi? La réinstallation, c'est le fait de transférer le réfugié dans le troisième pays. Dans le troisième pays. Parce que, bon, il y a trois options privilégiées pour les réfugiés. D'abord, il y a la naturalisation. La naturalisation, c'est quand les réfugiés trouvent qu'ils ne vont pas retourner au pays d'origine suite à un des trois causes. Et puis, ils réclament la naturalisation dans son pays d'asile. Bon, dans l'histoire, on a vu les Burundais de 1972 qui étaient réfugiés en Tanzanie, qui ont bénéficié cette option de naturalisation. Ça, c'est une option. Deuxième, il y a la réinstallation, ce que je disais. Ouais. Donc, la réinstallation, c'est le fait que le réfugié est transféré dans le troisième pays. Et ces pays sont souvent les pays plus loin, les pays de l'Amérique, l'Europe, le Canada, l'Australie. Et on a aussi assisté le mouvement des Burundais qui allait jusqu'à dans ces pays-là. Les réfugiés alors prennent référence à ces réfugiés qui ont bénéficié de cette réinstallation. La troisième option, c'est le rapatriement. Alors, cette option, bien que c'est l'option qui n'est pas aimée par les réfugiés, malheureusement, c'est l'option qui est privilégiée par et les pays d'asile et les pays d'origine, même les partenaires. C'est l'option qui est privilégiée. Pourquoi? Comme réfugié, la solution durable, c'est le rapatriement. Même pour les réfugiés, ils savent qu'ils ne trouveront jamais une vie aisée, une vie stable, avec quels que soient les moyens ou quoi. Ça peut être modeste, mais quand même, quand tu es chez soi, vraiment, tu es fier. Rien n'est beau que vivre chez soi. Alors, cette option est vraiment privilégiée. C'est l'option qui est encouragée pour tous les rapatriés. Et donc, les réfugiés ont manifesté une réticence vraiment déclarée pour le rapatriement suite à cette réinstallation qui a été bénéficiée par les précédents réfugiés. Et que les réfugiés d'aujourd'hui pensent que ça va continuer dans le même sens. Malheureusement, au regard de la situation qui prévaut au monde, il y a les guerres dans plusieurs pays, il y a la crise économique qui a été déclarée dans plusieurs pays. Donc, beaucoup de pays n'ont pas aujourd'hui besoin donc de cette offre, n'ont pas besoin de donner l'offre pour les réfugiés qui vont s'installer dans leur pays. Ils préfèrent garder avec les citoyens propres et les autres pays gardent leurs citoyens. Donc ça, c'est une option. Donc c'est une situation qui est comme ça, qui bientôt sera vraiment difficile pour appliquer cette réinstallation dans plusieurs pays. Depuis le début de cette année. En principe, chaque début d'année, les pays donnaient l'offre. Voilà, le Canada, disons, j'ai besoin de 5 000, l'Australie, combien? Voilà, tous les pays donnaient les offres. Mais depuis le début de cette année, aucune offre n'a été donnée. Donc, vous pouvez imaginer pourquoi ils restent toujours dans les camps alors que le rapatriement est toujours ouvert pour eux. Ici, je peux placer un autre point, bon, lié à la réticence. Il y a les réfugiés qui travaillent, qui trouvent que la vie et un peu amélioré par rapport à la vie qu'il avait dans le pays, dans son pays d'origine, au départ, avant de fuir. Oui, ça peut être dans ce sens. Si c'est comme ça, moi, je conseillerais cette catégorie de renoncer au statut d'asile et d'intégrer la plateforme de diaspora, ça peut aller dans ce sens, et travailler avec aisance. Là, il serait vraiment sûr qu'il est en train de travailler, il est migrant économique. Au lieu de continuer à porter son statut de réfugié, tu peux renoncer et travailler aisément et travailler à l'aise, avec liberté, et tu rentres au pays d'origine, tu retournes au pays d'asile. Non, ça ne sera pas au pays d'asile, ça sera autre pays pour exercer ta fonction de comme un migrant économique. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a constaté, qui donne les réfugiés à ne pas rentrer. Et donc, on va continuer à sensibiliser pour le rapatriement des réfugiés. Mais le rapatriement est toujours volontaire. Il n'y a pas de forcing. Oui, le rapatriement est volontaire, mais je peux là aussi vous dire une chose. Il y a aussi trois étapes. Trois étapes pour le rapatriement. D'abord, il y a le rapatriement volontaire qui est là. Dans ce cas, le rapatriement rentre. Aujourd'hui, nous avons vraiment tout le paquet pour l'accompagner. Ce qu'on appelle les paquets retour, pour accompagner cette catégorie. Et nous avons $200 que chaque rapatrié doit bénéficier, sans compter l'âge. Même le bébé des mois, d'une journée, il bénéficie de $200. Mais, et suivant la taille de la famille, ça peut constituer un capital de base. Si tu as une famille de 10 personnes, donc vous comprenez $2000, sur l'échange dit officiel, parce que nous sommes Burundis, nous devrons quand même nous y conformer à la loi. Donc nous donnons au frambou. Donc si tu as la famille de 10 personnes, c'est un petit capital que tu peux introduire dans les communautés et commencer la vie. À côté de cela, nous donnons ce qu'on appelle les NFI. Ce sont des objets qui vont aider, disons, les équipements de cuisine, une pagne pour une maman, les habits pour les bébés, tout ça est prévu. Mais à côté de cela, nous donnons ce qu'on appelle une attestation de rapatriement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour un rapatrié qui avait perdu sa nationalité, qui avait perdu son identité. Il retrouve son identité à travers ce document appelé attestation de rapatriement, qui donne accès à tous les services sociaux de base. Si tu as besoin d'enregistrer ton enfant à l'école, tu présentes l'attestation. Si tu as besoin de faire une réintégration professionnelle ou scolaire, tu présentes l'attestation. Parce que on peut imaginer dans 5 ans, tu étais où? Dans 8 ans, 10 ans, tu étais où? Mais avec ce document, tu es vraiment libre, tu es autorisé donc de fréquenter tous les services sociaux de base. Donc, je disais que la première étape, c'est ce rapatriement. Mais dans ce rapatriement, ces étapes évoluent de façon progressive. Il y a d'abord la facilitation, qui est une étape qu'on a dépassée au Burundi. La facilitation, ça, c'est une étape qui était appliquée dans les années passées. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de promotion. La phase de promotion, c'est ce fait de donner $200, parce que ça n'était pas ainsi dans les années passées. Dans les années passées, on donnait ça $50 par une personne adulte, donc majeure, et avec la moitié aux mineurs. Mais avec la promotion, on a dû ajuster le barème de le tarif de paquet retour. On a fait $200 pour tout le monde, et sans toutefois compter l'âge. Alors, après cette étape de promotion, ça peut aller jusqu'à la cessation de statut. Oui. Aujourd'hui, on est en mesure d'accompagner les rapatriés, leur donner le paquet retour. Mais il y aura un temps où ces assistances ne seront pas disponibles. Mais le rapatriement devrait continuer parce que rentrer chez soi, c'est quelque chose d'honneur, de souveraineté. Mais imaginez, aujourd'hui, ils sont réticents alors que le paquet retour est disponible pour eux. Et si jamais on arrive à la cessation où le paquet retour ne sera pas disponible, ça sera dommage. C'est pourquoi aujourd'hui, on est vraiment content de sensibiliser tous les réfugiés où ils sont installés au monde, dans les pays d'asile, de rentrer et avoir une assistance adéquate telle que c'est prévu, avant que bientôt ils rentrent sans toutefois leur assister en paquet retour. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de les accompagner pour commencer la vie. Et j'ai oublié de signaler que nous donnons également une assistance en vivre pour couvrir au moins 3 mois, tout en espérant que dans 3 mois, tu auras quand même quelque chose à produire dans la famille. Voilà, c'est comme ça donc qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de faire fonctionner le processus de rapatriement. Et vraiment, aujourd'hui, c'est un processus qui devrait avoir beaucoup de candidats. Les rapatriés devraient rentrer en masse, éviter cette réticence parce que les pays n'ont pas prêt de recevoir les réfugiés des autres pays. La réinstallation, vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui prohibé. C'est quelque chose qui n'est pas donc accepté par plusieurs pays. Parce que je vous ai dit tantôt que depuis le début de l'année, on n'a reçu aucune offre pour la réinstallation. Et dans les autres années, les offres commençaient à tomber depuis le mois de janvier. Mais aujourd'hui, on est au mois de juillet, aucune offre. Merci beaucoup, monsieur le DG Rapatriement. Je tourne le micro au professeur Pamphile Mabansi. Quand est-ce que le réfugié doit retourner dans son pays d'origine? Y a-t-il l'opportunité d'user de la force pour contraindre quelqu'un à rentrer dans son pays? N'est-ce pas une violation du droit d'asile? Normalement, c'est lui qui a quitté son pays d'origine pour demander asile dans un pays tiers. Cette personne fuit une crainte de persécution, ou bien même la persécution qu'elle a subie dans son pays d'origine. Prenons que dans le pays d'accueil, et la personne s'est installée pendant 5 ans, 10 ans, en ce moment, est-ce qu'on peut se demander si la persécution persiste ou la crainte de persécution persiste dans ce pays d'origine? Si on se rend compte que la cause qui a conduit à cette fuite, qui a poussé cette personne à quitter son pays d'origine, n'existe plus, on va demander à cette personne de rentrer dans son pays d'origine. Donc c'est le rapatriement que M. le DG disait. Donc il n'y a aucune crainte dans ce pays d'origine. La situation s'est améliorée. L'insécurité qui prévalait dans ce pays d'origine n'existe plus. Et là, il n'y a aucune raison d'être protégé en tant que réfugié. Sinon, en principe, chaque individu doit être protégé par son pays d'origine et pas par un pays tiers. Si on est protégé au niveau international, si on bénéficie de cette protection en tant que réfugié, donc la protection internationale, c'est parce qu'on a manqué la protection de son pays d'origine. Là aussi, cette insécurité ou bien si cette persécution qu'on a fui n'existait plus, on rentre chez soi, on rentre dans son pays d'origine. Le réfugié peut dire aujourd'hui, comme il y a exiguité de terre, je suis dans une crise de manque de terre cultivable. Il peut dire dans mon pays, par exemple, il y a une crise socio-économique. Oui, là, il ne peut pas expliquer comme ça. Sinon, là, on lui dira il faut alors chercher un autre statut pour rester ici chez nous, en tant que pays d'accueil. Peut-être on te donne le titre de séjour permanent ou un autre titre de séjour, plutôt que de garder le statut de réfugié qui n'est plus justifié. Donc, dans ton pays, il n'y a rien, il n'y a aucune crainte. Tu deviens alors un migrant économique et pas un réfugié. Sinon, la protection de réfugié a des limites. On est protégé parce qu'on a manqué la protection dans son pays d'origine. Si la situation s'est améliorée dans son pays d'origine, on est obligé de retourner dans son pays d'origine. Et là, alors, si on demande à rester dans le pays d'accueil, on demande alors un autre statut. C'est pour cela qu'il y a d'autres possibilités qui sont alors ouvertes pour les réfugiés. C'est soit demander l'intégration ou la naturalisation. Si le réfugié s'est intégré, Et comme M. Rodej disait, qu'en Ouganda, on donne la chance aux réfugiés de travailler, de cultiver, de faire des activités de génération de revenus. Là, ces réfugiés peuvent s'intégrer facilement dans ce pays. Et prenons que si les textes juridiques ou la loi sur la nationalité dans ces pays est favorable pour obtenir la naturalisation, pour une telle personne qui s'est intégrée comme ça, il peut facilement bénéficier de la naturalisation. C'est l'autre possibilité qui est ouverte pour les réfugiés. Ou bien même, si jamais il y a la chance, même si M. Rodej disait qu'actuellement, il n'y a plus de place pour la réinstallation, la troisième solution, c'est la réinstallation. Et là, alors, c'est pour les réfugiés qui ne peuvent pas retourner dans un pays d'origine. Prenons que dans son pays d'origine, la cause de sa fuite a été des événements atroces que la personne a vécu. Prenons qu'on a tué toute sa famille sous ses yeux. Là, vu comment on a brûlé tous les biens de sa famille, comment on a tué les membres de sa famille, cette personne peut avoir de la crainte, ou même des traumatismes qui peuvent nous empêcher de retourner dans ce pays d'origine. Là, on peut alors chercher un autre pays, un autre pays qui va l'accueillir pour qu'il s'intègre définitivement et même bénéficier de la nationalité de ce pays. C'est la réinstallation. Mais, comme M. Rodej l'a dit, avec la pression économique mondiale, les pays n'acceptent plus la réinstallation. Les mois passés ou même l'année passée, vous savez que l'Angleterre cherchait à faire la convention avec le Rwanda pour que tous les demandeurs d'asile qui veulent aller en Angleterre passent par le Rwanda. Avant, avec la crise syrienne, l'Europe avait bloqué les demandeurs d'asile vers la Turquie. Donc on cherche à gérer les réfugiés ailleurs, pas sur leur territoire. Là, vous voyez que c'est plus ou moins compliqué. Si les pays ferment les frontières pour que la gestion des réfugiés soit non pas sur les territoires, mais dans les autres pays, c'est cette peur qui est là, qui porte même tout accès de ces réfugiés vers ces pays qu'ils croient Eldorado. Parce que pour les réfugiés, aller en Europe, aller en Amérique, au Canada, en Australie, c'est la meilleure vie que les réfugiés espèrent. Mais comme ces pays ferment de plus en plus les portes, les solutions qui restent, c'est le rapatriement, c'est l'intégration ou la naturalisation dans le pays d'accueil. Comment trouvez-vous ce fait de vouloir rester? J'ai vu il y a les Burundais qui sont en Tanzanie, qui refusent carrément de rentrer. Pourquoi cette réticence? Bon, c'est situé à deux niveaux. Monsieur Rodej l'a expliqué. D'abord, il y a cet espoir. Il pense que un jour, ils vont aller dans les pays européens. Il y aura réinstallation. C'est la première cause. Donc, ils gardent espoir qu'un jour, ils vont être réinstallés dans les autres pays. Malheureusement, cet espoir ne se réalise pas. J'ai été dans les cas des réfugiés, par exemple, au Burundi, à Kinahama, c'est le camp le plus ancien, le camp de 2002. Il y a des Congolais qui sont toujours là à attendre la réinstallation. On ne peut pas dire que depuis 2002 jusqu'en 2025, la RDC a été toujours en insécurité. Mais ces personnes-là sont restées au camp Kinahama, à Muyinga, espérant qu'un jour, ils seront réinstallés dans les autres pays. L'autre cause, est actuellement, ici au Burundi, avec les 27 844 km² et la population burundaise qui avoisine 13 millions, il y a des familles qui n'ont plus de terres cultivables. Et si cette personne se trouve en Tanzanie, là où il y a beaucoup de terrain que ces personnes peuvent cultiver et gagner la vie facilement ou bien trouver de quoi manger, ces personnes peuvent dire comment alors retourner au Burundi, là où je ne trouverai rien pour manger, là où je n'ai aucun pied de terre. Cette personne peut alors choisir rester en Tanzanie en tant que réfugié. Sinon, des fois, la Tanzanie refoule même ses réfugiés, ces personnes. Mais il y a des personnes qui restent là à gagner la vie en cultivant dans les champs, peut-être ou même d'une autre façon, plutôt que de retourner au Burundi. Donc c'est la peur de vivre une vie misérable au Burundi et une vie qui est inférieure à celle que ces personnes mènent dans le pays d'accueil. Oui, c'est la peur qui empêche le rapatriement, peut-être. Merci beaucoup. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Entamons donc les questions qui sont liées aux engagements. Monsieur Rodej, vous êtes le directeur Rodej Rapatriement au ministère de l'Intérieur. Mais que peuvent faire ces pays de la sous-région pour terminer, pour arrêter ces mouvements de réfugiés qui sont interminables? Bon, d'abord, c'est difficile d'arrêter ce mouvement parce que le droit de déplacement, c'est un droit inaliénable et garanti qui doit être respecté par tous les pays. Mais on encourage quand même le déplacement régulier, le mouvement régulier qui est facilité par les structures chargées de gérer le mouvement migratoire. Donc, c'est mieux de prendre cette option de se déplacer moyennant les documents de voyage. Alors, pour les réfugiés, ça aussi, c'est un droit humanitaire. C'est un droit humanitaire. Mais ce qui est sûr que tout le monde doit comprendre, c'est que après que la situation se normalise, il faut que ces déplacés puissent prendre le courage de retourner dans leur pays respectif. Avec cette crise qui a éclaté au Congo depuis le début de cette année, et nous avons vu les Burundais réfugiés au niveau de la RDC qui ont été obligés de retourner forcément. Nous avons déjà accueilli plus de 4 000 des Burundais qui étaient à Rusenda, à Murongwe. On imagine pourquoi les autres n'ont pas emboîté le pas à cette catégorie. Les 4 000 ont été enregistrés et assistés aussi. Nous leur avons donné les tickets pour retourner dans leur ménage, mais après avoir analysé au fond, nous avons vu qu'il y avait des réfugiés régulièrement enregistrés et qui respectent également les conditions exigées pour avoir le paquet retour. Parce que pour avoir le paquet retour, nous avons exigé les préalables. Parce que on a voulu prévenir le mouvement pendulaire. Ce qu'on appelle les Makanaki en Swahili. Voilà, avec l'ADC, nous avons une longue distance de frontières, en même temps poreuse. C'est difficile de contrôler le mouvement. Un Burundais pouvait quitter Rugombo. Il suffisait de se lancer seulement dans la rivière Rusizi. Tu es de l'autre côté, tu es dans un autre pays. Et tu reviens le même jour. Donc tu pars demain, tu reviens après demain et tu réclames l'assistance. Là, pour vraiment éviter ces mouvements pendulaires, on a dit que le bénéficiaire du paquet retour, c'est celui qui est enregistré et il y a de cela 3 ans, étant réfugié. Alors, parmi les 4 000 accueillis, il y a plus de 2 900 qui sont en train d'être mobilisés pour venir récupérer l'assistance et le paquet retour. Alors, comme les pays d'asile, ce que les pays d'asile doivent faire pour essayer de maîtriser ces mouvements, c'est de soutenir l'option de rapatriement. Donc, donner toujours les messages de sensibilisation au retour dans leur pays d'origine. Encourager les réfugiés de retourner dans leur pays d'origine. Éviter de monnayer les activités ou les réfugiés, les traduire en quelque chose, en quelque sorte de business. Parce qu'il y a cette tendance. Il y a cette tendance d'exploiter les réfugiés comme quoi les réfugiés, c'est une opportunité d'affaires. Donc, les pays devraient prendre cet engagement de sensibiliser les réfugiés au retour dans leur pays d'origine. Ça sera vraiment une solution durable. Et aux réfugiés, de ne plus croire que la réinstallation est toujours favorable. Ce n'est plus facile, vraiment, de décrocher la réinstallation. J'ai vu, comme le docteur disait, les réfugiés congolais qui, de 2002, qui attendent toujours la réinstallation. Moi, j'ai vu les réfugiés quelque part, les réfugiés de 93, de 72, où les descendants de ces familles attendent toujours la réinstallation. Ils ne pensent pas au retour au pays d'origine. Donc, il faut que les réfugiés changent de mentalité. Changent de mentalité parce que on voit au regard du rythme de la situation mondiale, bientôt, chaque pays aura à gérer ses citoyens. Et les citoyens des pays tiers seront vraiment donc refoulés vers leur pays propre, vers leur pays respectif. C'est ça mon observation. Et comme on est dans des pays voisins, le Burundi est voisin de la RDC, Rwanda, Tanzanie, il faut encourager le déplacement régulier, moyennant les documents de voyage. Et puis, s'il fallait s'installer dans un pays, dans un autre pays, aller exercer les activités génératrices de revenus, tu seras migrant économique, mais pas réfugié. Voilà. Merci beaucoup. Professeur Pamphile Mavansi, un dernier mot. Il y a le HCR qui a beaucoup travaillé avec ses partenaires et qui continue à appuyer, même si les réfugiés congolais qui sont au Burundi, les réfugiés burundais qui sont en RDC disent qu'ils ne sont pas satisfaits des prestations du HCR. Et quel est l'appel que vous lancez aux deux gouvernements pour voir comment limiter les mouvements va-et-vient et les actions menées par l'OACR et ses partenaires? Bon, d'abord, pour que les pays puissent réduire ce mouvement de demande d'asile, il faut que les pays œuvrent pour la paix. Il faut que le climat politique dans les différents pays qui génèrent les réfugiés soit apaisé. C'est parce que la cause de demande d'asile dans nos pays, dans les pays africains, ce sont des conflits ou bien des guerres qui perturbent la sécurité dans les pays d'origine. Et là, c'est la principale cause qui pousse les gens à quitter massivement pour aller demander la protection dans d'autres pays. Et là, alors si dans les différents pays, c'est tout qui génère réfugiés, prenons au Congo ou même au Burundi, s'il y a un climat politique qui est apaisé, tout le monde se sent libre, là, alors, on limiterait le mouvement de demande d'asile dans les différents pays. Une autre chose, c'est développer les pays qui génèrent ces réfugiés. Si on ne peut pas des réfugiés qui étaient sous prétexte de persécution pour aller demander ou chercher une vie meilleure. Ce sont des migrants économiques. Donc, il y a des migrants économiques qui se cachent derrière le statut des réfugiés, alors que ils ne sont que des migrants économiques. Ça se remarque et c'est ce que pensent même certaines autorités politiques burundaises. Prenons un Congolais qui quitte le Congo pour chercher la protection au Burundi. Il refuse d'aller dans le camp pour mener la vie en ville ou bien pour se créer un emploi ici à Bujumbura pour se réfugier. C'est comme s'il est beaucoup plus un migrant économique qu'un réfugié. Oui, il est vrai, la loi burundaise prévoit que ces personnes peuvent avoir l'habitude de choix, vivre dans le camp ou rester en ville. Mais si on les voit en ville, mener la vie seule, c'est comme si ces personnes venaient, non pas pour chercher la protection, mais pour chercher une meilleure vie ou bien pour faire la vie à Bujumbura, migrer économique. Là, alors, ça devient compliqué. Je dirais alors qu'une autre façon de réduire les mouvements des réfugiés ou bien de demander l'asile, il faut, si possible, améliorer la vie socio-économique dans les pays ou dans les pays qui génèrent les réfugiés. Et c'est possible. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Et là, s'il y a bonne gouvernance, ces pays qui génèrent les réfugiés peuvent se développer et le mouvement peut être réduit, le mouvement de demande d'asile, le mouvement de ces réfugiés peuvent être réduits comme ça. On n'aura plus besoin d'aller chercher la vie ailleurs, alors que même dans ce pays d'origine, on peut se faire la vie facilement. Merci beaucoup pour ces appels. Voilà, se referme cette émission. Nous disons merci à nos invités, le directeur général chargé du rapatriement au ministère de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana. Merci d'être venu dans Mosaïque. Merci beaucoup. Même demain, je serai à votre disposition. Nous étions également avec Dr. Major Pamphile Mavansi, professeur d'université, expert en droit des réfugiés. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et demain, après-demain, s'il y a encore une question de débat d'échange, je suis disponible. Nous avions voulu aussi être avec le coordinateur de l'OMPRA pour avoir des éclaircissements sur l'état des lieux des réfugiés qui sont sur le territoire burundais, mais sans succès. À la cabine du son, j'étais avec François Akimana et Alexandre Ngarouenayo.